Mais, par mesure d'économie, Julien avait accompli des réformes qui nécessitaient des modifications nouvelles. Le vieux cocher était devenu jardinier. Le vicomte, se chargeant de conduire lui-même et ayant vendu les carrossiers pour n'avoir plus à payer leur nourriture. Puis, comme il fallait quelqu'un pour tenir les bêtes quand les maîtres seraient descendus, il avait fait d'un petit domestique d'un jeune vacher nommé Marius. Enfin, pour se procurer des chevaux, il introduisit dans le bail des Couillard et des Martin une clause spéciale contraignant les deux fermiers à fournir chacun un cheval, un jour chaque mois, à la date fixée par lui, moyennant quoi il demeurerait dispensé des redevances de volaille. Donc, les Couillard, ayant amené une grande rosse à poil jaune, et les Martins, un petit animal blanc à poil long, les deux bêtes furent attelées côte à côte. Et Marius, noyé dans une ancienne livrée du père Simon, amena devant le perron du château cet équipage. Julien nettoyé, la taille cambrée, avait retrouvé un peu de son élégance passée, mais sa barbe longue lui donnait malgré tout un aspect commun. Il considéra l'attelage, la voiture et le petit domestique et les jugea satisfaisants, les armoiries repeintes ayant seules pour lui de l'importance. La baronne, descendue de sa chambre au bras de son mari, monta avec peine et s'assit, le dos soutenu par des coussins. Jeanne, à son tour, parut. Elle rit d'abord de l'accouplement des chevaux. Le blanc, disait-elle, était le petit-fils du jaune. Puis, quand elle aperçut Marius, la face ensevelie dans son chapeau à cocarde, dont son nez seul limitait la descente, et les mains disparues dans la profondeur des manches, et les deux jambes enjuponnées dans les basques de sa livrée, dont ses pieds, chaussés de souliers énormes, sortaient étrangement par le bas, et quand elle le vit renverser la tête en arrière pour regarder, lever le genou pour faire un pas, comme s'il allait enjamber un fleuve, et s'agiter comme un aveugle pour obéir aux ordres, perdu tout entier, disparu de l'ampleur de ses vêtements, elle fut saisie d'un rire invincible, d'un rire sans fin. Le baron se retourna, considéra le petit homme abasourdi, et, cédant aussitôt à la contagion, il éclata, appelant sa femme, ne pouvant plus parler. « Regarde, Marius, est-il drôle, mon Dieu, est-il drôle ?» Alors la baronne, s'étant penchée par la portière et l'ayant considérée, fut secouée d'une telle crise de gaieté que toute la calèche dansait sur ses ressorts comme soulevée par des cahots. Mais Julien, la face pâle, demanda « Qu'est-ce que vous avez à rire comme ça? Il faut que vous soyez fou !» Jeanne, malade, convulsée, impuissante à se calmer, s'assit sur une marche du perron. Le baron en fit autant, et dans la calèche, des étonnements convulsifs, une sorte de gloussement continu, disaient que la baronne étouffait. Et soudain, la redingote de Marius se mit à palpiter. Il avait compris sans doute, car il riait lui-même de toute sa force au fond de sa coiffure. Alors, Julien, exaspéré, s'élança. D'une gifle, il sépara la tête du gamin et le chapeau géant qui s'envola sur le gazon. Puis, s'étant retourné vers son beau-père, il balbutia, d'une voix tremblante de colère, « Il me semble que ce n'est pas à vous de rire. Nous n'en serions pas là si vous n'aviez gaspillé votre fortune et mangé votre avoir. À qui la faute si vous êtes ruiné ?» Toute la gaieté fut glacée, cessa net, et personne ne dit un mot. Jeanne, prête à pleurer maintenant, monta sans bruit près de sa mère. Le baron, surpris et muet, s'assit en femme des deux femmes, et Julien s'installa sur le siège après avoir hissé près de lui l'enfant larmoyant et dont la joue enflait.